tranquille. Amen. Give you some power chord. MIDI. Oula. Benji, oula. C'est quoi ça? Un accord de... en D? C'était un morceau de Miami Vice soundtrack. Mais bon, je le joue très mal. Listen song. Ah, si. Ah. Attends, j'en ai des batteries, tu vois. Two. One, two, three, one, two. Come on. Okay. quieto. Ça vient de la gratte. Ma guitare. Thank you.